Juste pour préciser sur les précipites, effectivement, on en avait parlé au dernier séminaire, on avait vu que quand l'ANR mettait 1 euro typiquement dans un projet, en fait, le public met 3 euros. Ça veut dire qu'en fait, on détourne, on en avait parlé un petit peu, donc je reviendrai pas là-dessus. Et donc, par contre, on s'est un petit peu à côté peut-être du sujet ce soir, et ça me faisait penser que finalement, est-ce que cet état de fait, justement, des gens avant de rentrer dans la carrière, qui sont justement sur des projets bien précis et compagnie, forment pas les gens à une recherche sur projet qui est en train de se mettre en place absolument partout, et qui est désastreuse, aussi bien à l'université qu'au CNRS, et ce qui fait que maintenant on aura des gens complètement formatés à travailler, faire de la recherche sur projet, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire ce qu'ils... Et c'est plus du tout sur une recherche propre qu'on garderait...